typos, hey, très loin de la vie de château et bien plus proche de la ville de Bohème. Moi je suis qu'un blanc bec qui taffe le son, qui s'en bat les steaks. Y'a sauce dans le parc, on met pas dans la tête. Génération ratée des Aztecs. On passe à l'as, mec. J'suis pas un héros, juste un gars tout simple qui déballe ses tripes derrière le micro. J'suis pas un héros. Je m'en bats la race, même si trop de problèmes dans ma tête avec ce que je fume, mon rap et mon psy. Y'a pas d'autopsie, je ne suis pas un criminel. Mais si tu vas trop loin, garçon, tu verras des flammes dans mes prunelles. J'suis pas une brute, mec. Balance une instru que je vous bute sec. Une grosse paire de vite au vert sur le nez et la tête sous une capuche, mec. Un spliff au bec, une croix sur les pecs. Moi j'taffe mon bison légal, j'veux sûrement pas finir comme Zépec. J'suis pas un héros, non. J'ai pas la grosse tête. Moi j'suis qu'un Irish, moi j'suis juste FLX. J'suis pas un héros. Oh, hi, the music.